T'as les ovaires qui frémissent, t'as les ovaires, t'as toujours blouse des cailloux, t'as lu la lèvre. J'ai pas l'impression d'exister, même quand tu perds, même quand tu perds, même quand tu perds. Y'a plus de gagnants. Y'a plus une fois crevé. On s'est débouché les chiottes avant que ça soit bloqué. Avant il y avait des fêtes et tous ça amusait. Y'a plus que des rancœurs désormais. On choisit pas la vie la plus facile. On choisit